Ndikomanyanga. Albert Douaya sur les mêmes ondes, bienvenue, chers auditrices et auditeurs de la radio Sanganiroa, ce journal, et donc voici d'abord le sommaire. La composition du nouveau groupe parlementaire du parti CNL viole d'une certaine manière le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Les propos de Léon Senghenda Koumana, qui fut président de l'Assemblée nationale, c'est après que le président de cette Assemblée ait pris acte de la nouvelle composition dirigée par Léopold Hakizimana. Le groupe de presse Iwachu demande au Conseil national de la communication CNC de rappeler l'importance des journalistes dans la communauté. Propos tenus par le directeur adjoint de cette publication après que dans la soirée de ce lundi, des personnes non identifiées aient lancé des pierres dans les enceintes de cette publication. La coalition Obafashevigé dit avoir été surprise par la nouvelle ordonnance ministérielle portant fixation des nouvelles conditions de passage de classe, de redoublement et d'obtention des diplômes à l'enseignement post-fondamental technique vers la fin de l'année. Mais son représentant légal apprécie le fait que cette ordonnance, qui causait déjà des polémiques, a été repoussé vers l'année prochaine. Il est nécessaire de consulter un médecin dès l'apparition de la diarrhée. Conseil du médecin Yves Ganza, vous aurez les détails dans la chronique santé de ce mardi. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page presse. Le groupe de presse Iwachu demande au Conseil national de la communication CNC de rappeler l'importance des journalistes dans la communauté. Propos tenus par le directeur adjoint de cette publication après que dans la soirée de ce lundi, des personnes non identifiées ont lancé des pierres dans les enceintes de cette publication. Abbas Mbazu Mutima appelle les journalistes en particulier à continuer leur travail dans le strict respect des lois qui les régissent et de ne pas céder aux actes pareils et qu'ils qualifient d'intimidation. On l'écoute. Ça a commencé vers 19h30. J'étais encore là à corriger quelques papiers, mais soudain, les vigiles qui assurent la garde au siège d'Iwachu m'ont dit qu'ils ont vu une silhouette bizarre. La silhouette a disparu. Après, quand ils sont allés vérifier, il y a eu ce jet de pierre. Ça, c'était la première alerte. Par après, quand ils sont retournés vérifier, essayer de voir s'il ne s'agit pas d'une tentative de vol, ça a repris. Il y a eu encore jet de pierre. Mais par après, il y a eu intervention des policiers. C'est juste à côté, il y a un poste de police juste à côté. Ils sont venus, ils nous ont aidés à faire une sorte de ronde. Vers 2h du matin, ça s'est calmé. Le matin, c'est là où on a découvert qu'il y avait, c'était du sérieux. Ce que nous comptons faire, c'est d'élever la voix et de crier à qui veut l'entendre. Demander au Conseil national de la communication d'appeler les gens à la sérénité, au calme. Parce que le journalisme, la liberté d'expression, c'est un des grands piliers de la démocratie. Vouloir couper ce pilier, c'est en quelque sorte porter atteinte à la démocratie. C'est une sorte d'intimidation, ce genre d'incident. Il y a quelques jours, il y a un journaliste d'Iwachu qui a failli se faire kidnapper. Il y a un autre correspondant d'Iwachu qui s'est fait tabasser. Tout ça, ça rentre dans ce cadre. Mais l'appel que je peux lancer aux journalistes d'Iwachu et même à tout le monde, parce que c'était pas seulement les journalistes d'Iwachu, il y a eu quelqu'un de la RTNB qui a été molesté avec le correspondant de Gitega d'Iwachu. Et tout ce que je peux leur dire, c'est de faire leur travail de manière professionnelle, de rester calme, ferme et n'avoir que comme directive le respect des règles d'éthique et des déontologies. Les propos d'Abbas Mbazu Mutima ont été recueillis par Sheila Irambone. La composition du nouveau groupe parlementaire du parti CNL viole d'une certaine manière le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Propos de Léon Senghenda Koumana, qui fut président de l'Assemblée nationale. Il réagit après que le président de cette Assemblée ait pris acte de la nouvelle composition dirigée par Léopold Hakizimana, alors que 18 députés ont décrié la violation de la loi. Selon Léon Senghenda Koumana, cela risque de perturber les activités de la Chambre basse du Parlement. On l'écoute. C'est vraiment une profonde division. Ils ont été divisés en deux blocs. Et ça a eu une répercussion sur le groupe parlementaire CNL à l'Assemblée nationale, qui s'est également divisée en deux en violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On a aujourd'hui deux groupes parlementaires, ce qui n'est pas permis par la loi. Et ça, ça constitue un sérieux problème au sein de l'Assemblée nationale pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale, même pour son organisation, parce que ça repose sur les groupes parlementaires et les commissions. Ce n'est des conséquences directes de ces divisions. Ça complique la mission de représenter et de défendre les intérêts de la population, du peuple burundais qui a mandaté ses députés. Est-ce que ce qui se passe, c'est légal ou bien quelles sont les procédures? Le groupe parlementaire peut changer son bureau. Ça, c'est normal, c'est légal. Mais changer le groupe parlementaire en deux groupes, ça, c'est pas autorisé. La loi n'opère. Ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale, c'est illégal. Le bureau de l'Assemblée nationale devrait le constater pour dissoudre en deux groupes. Soit l'ancien groupe, il faut le dissoudre, soit le nouveau groupe, il faut le dissoudre. Les deux groupes ne peuvent pas coexister à l'Assemblée nationale. C'est une anomalie. Ça devient très compliqué parce que ça paralyse les activités de l'Assemblée nationale. Parce que ça provoque des suspicions, des mésententes entre les députés eux-mêmes du groupe parlementaire CNL, mais entre le groupe parlementaire du projet de Ouassa, on le dit, mais ce n'est pas autorisé, ce n'est pas permis, avec le bureau de l'Assemblée nationale, il y a une suspicion. Alors, vous comprenez qu'on passe beaucoup de temps finalement à travailler là-dessus, à penser comment faire. C'est une difficulté qui a été créée. L'autre difficulté, c'est que le Burundi ayant accepté d'entrer dans une démocratie multipartite, en 1992, ça veut dire que ce processus boite en ce moment. Ça peut même tendre à sa disparition. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page éducation à présent, la coalition Bafashevig trouve que la nouvelle ordonnance du 18 juin 2024 portant fixation des conditions de passage de classe, de redoublement et d'obtention des diplômes à l'enseignement post-fondamental technique n'était pas venue au bon moment. Jean Samandari, représentant légal de cette coalition, salue le fait que l'ancienne ordonnance a été prise en compte et que la nouvelle ordonnance qui a créé des polémiques a été reportée pour l'année prochaine. Suivez Jean Samandari dans ses propos recueillis par Jean-Marie Mayonk. C'est une ordonnance, que ce soit celle de cette année 2024 qui est sortie le 8 juin et que ce soit celle de l'année passée qui était sortie le 13 juin 2023, vous constaterez que ce sont des ordonnances qui sortent vers la fin de l'année puisque on est déjà à la fin de l'année scolaire et les enfants viennent de passer, c'est la période des examens et probablement il y a certains qui ont déjà terminé les examens de fin d'année. Ce qui fait que si ce genre d'ordonnance sort vers la fin de l'année, je pense qu'il peut y avoir des avantages et des inconvénients. D'abord, c'est bon que l'ordonnance sorte pour orienter les conditions de passage de classe ou de redoublement. C'est très bon puisqu'on doit se référer à la loi, mais aussi il y a des inconvénients puisque peut-être ces ordonnances sont sorties vers la fin de l'année scolaire et que les enfants, les éducateurs, les parents, personne n'avait été bien préparé pour qu'ils puissent suivre de près les orientations ou travailler d'arrache-pied en connaissant les critères. Si c'était sorti par exemple au mois de février, au mois de mars, l'enfant, l'élève pourrait étudier en sachant que à la fin de l'année, s'il ne réalise pas ceci et cela, il va échouer, il va reprendre ou il ne va pas reprendre, et il ne va pas tripler. Donc il va se préparer en conséquence. Si en synthèse, nous pouvons recommander que ces ordonnances ministérielles ou d'autres, les instructions ou les mesures, que ces différentes mesures puissent être communiquées aux concernés, notamment aux élèves, aux éducateurs, aux parents, donc à tout le monde, bien avant et non pas à la fin de l'année. Jean Samandari, représentant légal de la coalition Bafashe Evig, page sécurité à présent. Un corps d'un homme a été découvert flottant dans les eaux du lac Tanganyika dans la ville de Rumonge ce mardi matin. Les circonstances de la mort de cet homme employé dans l'un des hôtels de Rumonge ne sont pas encore connues au niveau de la police de Rumonge. L'on informe que les enquêtes sont en cours. Jean-Pierre Misago, correspondance. sur la sous-colline Ruvuzo, dans le quartier Kanyenkoko de la ville de Rumonge, en face du poste migratoire de Rumonge. C'est là où certains parmi les habitants de Kanyenkoko ont aperçu un corps flottant sur les eaux du lac Tanganyika. Ils ont ensuite alerté la police et celle-ci, aidée par la Croix-Rouge du Burundi, branche de Rumonge, a repêché ce corps. Les circonstances de la mort de cet homme, qui a été finalement identifié comme prestant dans l'un des hôtels de la ville de Rumonge, ne sont pas encore retracées. Seule une petite plaie sur le bras gauche ayant été constatée sur son corps, selon des témoins oculaires confirmés par la police de Rumonge. La police de Rumonge dit être entrée d'enquêter sur le cas pour tenter de retracer les circonstances de cette mort. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Dans cette même province du sud du pays, deux hommes habitant Birimba dans la ville de Rumonge sont retenus au cachot du commissariat communal de Rumonge. Depuis samedi dernier, la police de Rumonge dit les poursuivre pour la contrefaçon, la falsification et l'imitation des signes monétaires. Ils ont été attrapés lors d'une fouille en possession de 21 805 dollars américains, un faux cachet de l'UNICEF, un paquet de billets noirs, 6 kwachas zambiens, 2 coffres-forts dont l'un en mauvais état et 150 000 francs burundais. Leurs dossiers judiciaires ont été envoyés au parquet de Rumonge pour la poursuite du dossier selon le commissariat provincial de Rumonge. La Chambre fédérale du commerce et d'industrie du Burundi salue les initiatives du chef de l'État en exercice pour le développement du commerce. Cette chambre se réfère sur le fait que le président Évariste Ndayishimiye s'accompagne de certains entrepreneurs lors de vols à l'étranger. Une occasion d'en tirer une expérience au 4e anniversaire du mandat présidentiel. Le secrétaire général de la CFCIB revient sur la déclaration d'une journée dénommée Muzinga Day, dédiée à la réflexion sur le secteur privé. Denis Chimirimana encourage le président sur cette volonté de développer le secteur privé. On l'écoute. Depuis moins d'un mois après sa prestation de serment, il a rencontré le secteur privé le 17 juillet 2020 où il a déclaré que le secteur privé est l'état-major du développement. Alors le président de la République a rencontré le 3 novembre 2023 à Muyinga, le secteur privé, où nous avons déballé, carte sur table, tout ce qui ne marche pas au niveau du secteur privé et des solutions surtout à envisager pour que le secteur privé puisse décoller. Troisième chose, son excellence, monsieur le président de la République, a inauguré ce que l'on appelle Umuzinga Day. Dans le cadre du dialogue public-privé, le texte instituant le secrétariat permanent du cadre de dialogue public-privé a été validé par le Conseil des ministres. Il reste la signature du décret par son excellence, monsieur le président de la République. Au niveau de la coopération, le président, à chaque déplacement important, il se fait accompagner par une dizaine d'hommes d'affaires. Il y a d'autres projets importants, notamment le projet de facilitation du commerce et d'intégration dans les Grands Lacs, qui est un projet de 90 millions de dollars, où on va construire le port de Rumonge, 20 millions de dollars. Nous avons aussi, avec la coopération japonaise, le port de Bujumbura, qui est déjà en réhabilitation et en extension. On va construire un poste frontière à Réunik Gatumba Kabimvira, moderne. On est en train de construire un pont sur la Rusizi, vers Sang, au niveau de Bouganda, par le projet régional agricole et d'intégration dans les Grands Lacs. Le projet de facilitation du commerce et d'intégration dans les Grands Lacs va encore construire deux postes frontières, un à Bouganda et l'autre à Palambo, ce qui va d'ailleurs faciliter le commerce transfrontalier entre Bukavu et Bujumbura, puisque la route Bukavu-Ngomo-Kamanyola sur 55 km est en réhabilitation. Une fois le pont en place, les commerçants de Bukavu vont venir sur Bujumbura. Et en ce qui est de la fermeture de la frontière burundo-rwandaise, le secrétaire général de la CFCIB trouve que cela n'a pour conséquence des pertes énormes. Toutefois, Denis Nshimirimana souhaite qu'il y ait dialogue entre ces deux pays pour faciliter le climat des affaires. On l'écoute encore une fois. Les frontières sont fermées pour des raisons politiques, sécuritaires, mais pour le commerce transfrontalier, vous comprenez que les conséquences ne manquent pas, parce que les agriculteurs, les producteurs de chilitoke, qui avaient un marché de prédilection vers le Rwanda, c'est un manque à gagner. Les provinces frontalières comme Kirundo, c'est aussi un manque à gagner, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les petits commerçants qui doivent se rendre à Kampala, qui empruntaient le chemin direct Bujumbura, Kigali, Gatuna, Mbarara, Kampala, aujourd'hui sont obligés de passer par le poste frontière de Muyinga, ils passent par Kabanga, Mutukura, et puis rentrent sur Kampala, ça prend du temps et ça impacte le panier de la ménagère naturellement, parce que à la longue, c'est le dernier consommateur à la boutique qui doit payer. Donc je pense que certainement qu'au niveau politique, au niveau du sommet, les gens sont en pourparlers pour résoudre cette question, parce que après tout, on ne choisit pas son voisin. Le Rwanda ne va jamais se déplacer, le Burundi ne va jamais se déplacer, donc on ne choisit pas son voisin. Et j'ai vu qu'avec le Covid et quand les frontières avec le Congo étaient fermées, on a vu qu'il y avait un impact très négatif sur le commerce transfrontalier, alors que la RDC est le premier partenaire du Burundi dans la région. Donc quand les frontières ferment, il y a un impact qui est là. Radio Isanganiro, chronique santé. Il est nécessaire de consulter un médecin dans l'apparition de la diarrhée. Le médecin Yves Ganza explique que cela vise à réduire l'intensité de la diarrhée et prévenir la déshydratation. Ce médecin avait expliqué lors de la précédente chronique que la diarrhée peut être due à l'intoxication alimentaire ou causée par les maladies de mains sales dont le choléra. L'une des mesures de prévention est de toujours respecter les mesures d'hygiène. Chronique santé avec René Lamoucho. Après avoir constaté l'émission trop fréquente de sel liquide, c'est-à-dire plus de 3 fois par jour, il est urgent de se rendre aux structures sanitaires pour le diagnostic et le traitement. Le médecin Eric Ganza indique que c'est pour réduire l'intensité de la diarrhée. C'est bien de constater parce que les gens qui viennent constater pour une diarrhée le plus souvent, ce sont des personnes qui sont en phase de complications parce qu'ils ne peuvent pas se tenir en position debout. Il y a un examen qu'on va lui demander, en particulier l'examen sel ou la coproculture, là où on va voir le germe qui est à l'origine de cette diarrhée ou la maladie qui a causé cette diarrhée. Et peut se compliquer en cas de déshydratation sévère. La première complication, c'est lié à cette perte liquidienne. On peut parler de choc hypovolémique ou de troubles hydroélectrolytiques. Lorsqu'une personne fait une diarrhée, il y a une quantité importante qui se trouve dans l'organisme, quantité en eau. On sait qu'elle fait à peu près 70% pour chaque personne, quand c'était 70% du poids corporel. Donc il y a une perte importante de cette liquide qui peut conduire même à un décès lorsqu'ils ne sont pas corrigés. Cette perte peut aussi engager une insuffisance rénale. Ça peut être dit par des diarrhées incessantes, ce qui cause donc cette insuffisance rénale. Alors, parce que le rein a manqué de liquide pour filtrer, donc les reins commencent à se détériorer à cause de ce manque de liquide au niveau de l'organisme et aussi un choc hypovolémique, ce qui engage donc un choc cardiaque et par après, le cœur arrête de battre parce qu'il a manqué de liquide pour pomper. Le mode de prévention repose sur le strict respect des mesures d'hygiène, mais aussi il est recommandé, surtout chez les enfants, les femmes enceintes et les personnes plus âgées, de se déparasiter tous les 3 mois pour éliminer les parasites présents dans le corps, mais aussi prévenir leur réapparition. Les mesures hygiénétiques, ça vient en premier lieu donc pour prévenir ces diarrhées ou pour prévenir en général des maladies, des mains sales. On traite des aliments avec précaution. On les lavait bien et puis, après avoir bien lavé, donc donner ces aliments dans une bonne assiette bien lavée, bien nettoyée, ainsi que les cuillères et aussi manger cette alimentation qui est équilibrée pour avoir une bonne immunité. Lorsqu'on a une bonne immunité, c'est bien, ça participe à la bonne prévention de ces diarrhées. Pour la prévention, c'est bien de faire le déparasitage tous les 3 mois. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la diarrhée est la 2e cause de mortalité chez l'enfant de moins de 5 ans et elle est à l'origine de plus d'un million de décès d'enfants par an. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndoua pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikouanyanga. Bonne suite des programmes sur Sanganiro.